Mon nom est Floris Hensink, je suis le président du Sierra Club Québec. Donc, c'est le chapitre québécois de l'organisme environnemental Sierra Club Canada, la formation Sierra Club du Canada, un organisme environnemental grassroots. Donc, ça veut dire qu'on est dirigé et géré par nos membres, nos bénévoles et des gens, des citoyens locaux. Et on travaille sur différents sujets environnementaux, dont surtout la protection de la biodiversité et des espaces verts. Et qu'arrive-t-il en ce moment à l'espace vert de l'Anse-à-l'Orme à Pierrefonds-Ouest? Oui, donc Pierrefonds-Ouest est un ancien terrain agricole qui fait partie de l'écoterritoire Anse-à-l'Orme, à l'ouest de Montréal. Et c'est donc un terrain qui est caractérisé par son ouverture, on pourrait dire. Et l'écoterritoire Anse-à-l'Orme est un des derniers grands espaces des milieux naturels à Montréal qui a encore conservé plus ou moins son intégrité écologique. Donc ça veut dire qu'il y a des boisés, il y a la fleuve et il y a des terrains plus ouverts comme Pierrefonds-Ouest. Et maintenant, il y a un projet de développement résidentiel qui est planifié là-bas, juste au milieu de cet espace, dans les champs, donc les anciens champs agricoles. Si ce projet aura lieu, ça aura un impact considérable sur l'intégrité écologique de ce terrain. Ce sont des friches, des anciens champs agricoles, donc qui sont ouverts. Il y a beaucoup d'oiseaux, beaucoup d'animaux qui habitent, par exemple, dans les boisés et qui viennent se nourrir dans les champs. Et il y a différents oiseaux qui vraiment dépendent de cette ouverture. Donc, c'est vraiment un terrain qui est important pour tout ce coin de l'île de Montréal. Donc, est-ce que le projet a été approuvé? Le projet de développement résidentiel n'a pas été approuvé. Il y a beaucoup de démarches qui ont déjà eu lieu dans le passé. Des parties de terrain ont déjà été rezonnées en tant que résidentielles. Aussi dans le schéma d'aménagement, il y a les intentions d'y construire ont été déjà annoncées. Toutes les autorisations pour y construire n'ont pas été délivrées encore. On espère qu'on peut encore revenir aux décisions qui ont déjà été prises et zoner tout le terrain en tant qu'espace naturel. Mm-hmm. Et comment est-ce que la communauté de Pierrefonds-Ouest bénéficie de cet espace vert? Donc, il y a un comité qui s'appelle, ou un groupe qui s'appelle Sauvons Anse-à-l'Orme, qui s'oppose fortement à ces projets de développement. Et ce sont principalement des citoyens qui habitent là. On travaille beaucoup ensemble avec eux. Ils font de porte à porte et ils parlent beaucoup avec les citoyens, les autres citoyens qui habitent autour. Et la tendance vraiment qu'on peut voir est que les citoyens, les gens ne sont d'abord pas toujours au courant du projet qui aura lieu. Et s'ils sont au courant, beaucoup de monde n'est pas d'accord avec le projet qui est planifié là-bas. C'est un terrain qui est utilisé à des fins récréatifs. C'est un terrain qui est très attractif pour faire du vélo ou se promener. Donc, c'est pas du tout accepté par la population de Pierrefonds-Ouest. Et surtout aussi les citoyens qui, les gens qui habitent vraiment à côté, pour eux, le projet de développement résidentiel aura un gros impact sur la valeur de leur propriété. Donc, ça va diminuer. Et quelle valeur tient cet espace vert pour vous personnellement? Donc, je crois pour tout le Montréalais, cet espace a des valeurs écologiques importantes. Donc, comme je viens de dire, différents animaux, il y a différents animaux qui dépendent de cette ouverture qu'il y a là, et on n'a pas des champs comme ça avec cette ouverture ailleurs à Montréal. Donc c'est vraiment le seul espace qui a ces caractéristiques écologiques. Et donc il y a beaucoup d'animaux qui dépendent de ce milieu. Parce que c'est leur habitat principal ou que ça fait partie de leur habitat. Donc, il y a beaucoup d'animaux ou d'autres plantes aussi qui fréquentent, qui ont besoin des boisés et des champs ouverts. Donc, pour ces genres d'animaux, c'est très important d'avoir un champ, un espace naturel avec ses caractéristiques. Il y a des milieux humides aussi dans le terrain, et des milieux humides ont toujours une valeur intéressante d'un point de vue écologique. Ce sont toujours des milieux qui hébergent des espèces comme des salamandres et des plantes qui sont rares et des caractéristiques aussi pour purification de l'air et de l'eau. Donc il y a beaucoup de caractéristiques qui font que c'est un espace très intéressant d'un point de vue écologique. Est-ce que c'est l'un des seuls espaces verts près de Pierrefonds-Ouest? À Pierrefonds-Ouest, donc, il y a l'éco-territoire Anse-à-l'Orme, dont un parti de Pierrefonds-Ouest fait partie. Donc, il n'est pas entièrement y inclus, mais à peu près la moitié, il est. Et donc c'est un coin de l'île où il reste encore un bout intéressant, un morceau intéressant de nature. Mais ce sont tous des boisés et les bancs riverains. Mm-hmm. Donc c'est vraiment le seul espace nature là-bas qui a ses caractéristiques d'ouverture. Et juste pour aborder le sujet de votre pétition que vous êtes en train de faire contre ce projet résidentiel, comment êtes-vous opposé exactement au développement résidentiel à Pierrefonds-Ouest en tant que Sierran Club Québec et pourquoi? Oui, donc notre position est, on aimerait que le processus qui a mené maintenant qui a fait en sorte que maintenant il y a un projet qui a été présenté par le développeur. On veut que ce processus soit réévalué parce que on a constaté qu'il y a différentes irrégularités qui ont eu lieu jusqu'à maintenant dans le processus. Et une des choses est que on a constaté que le développeur a fait du lobbyisme illégal auprès de maire Coderre et le maire Baisse de Pierrefonds-Ouest. Il n'a pas été inscrit dans le registre des lobbyistes. Ça est un prérequis. Et le lobbyiste que lui il a engagé, il a déjà travaillé en tant que consultant pour la ville de Montréal pour le même sujet, et donc ça c'est pas permis non plus par le code de déontologie de la ville de Montréal. Donc on voit que il y a eu des pourparlers illégaux qui ont eu lieu, des négociations et les citoyens ont été exclus de ces négociations, de ces processus. Donc on veut revenir à l'arrière, on veut remettre le terrain à l'état d'avant ces négociations, et vraiment recommencer le processus et inclure toute la population pour que tout le monde ait son mot à dire là-dedans. qu'on trouve que sacrifier un terrain, un espace vert dans un éco-territoire comme ça ne pourra jamais être une affaire seulement entre un maire et un développeur. C'est vraiment une décision qui est beaucoup plus importante que ça. La population doit être inclue dans cette décision. Vous avez commencé à faire une pétition contre ce développement résidentiel. Quoi d'autre avez-vous fait jusqu'à présent pour opposer ce projet sur cet espace vert? Il y a donc une injonction qui a été demandée parce que pour plusieurs raisons, il y a une partie de l'espace qui est encore zoné en tant que agricole, donc ça veut dire que c'est pas possible de d'y construire. Il y a plusieurs études qui démontrent que la valeur écologique du terrain est beaucoup plus élevée que ce qui a été présumé avant. On continue à démontrer que l'espace devrait rester un terrain naturel et on veut bien mobiliser toute la population. Montréal est pour ça. Le Club Montréal, le Conseil régional de l'environnement, a aussi demandé qu'un processus de consultation soit mis en place, donc à l'office, au bureau de consultation publique de Montréal. Nous espérons que ça va mobiliser du monde et que ça va faire surgir de l'information, de preuves que ce terrain ne doit pas être développé. Et c'est vous qui avez fait l'injonction? C'est pas nous, c'est un citoyen qui fait partie du comité du groupe Sauvons Lance Alarme. Ça, c'est vraiment le groupe qui prend l'initiative, qui a pris l'initiative là-dedans. C'est un groupe de citoyens qui habitent autour, qui ont dit mais maintenant, il faut qu'il se passe quelque chose parce que ça va dans la mauvaise direction dans notre quartier. Pour les lecteurs qui sont intéressés, comment est-ce que les lecteurs peuvent s'impliquer dans la lutte contre ce projet à Lance-Alarme? Donc, si quelqu'un veut s'impliquer, faire quelque chose, veut savoir plus, je les encourage à contacter le groupe Sauvons Lance-Alarme. Ils ont une page Facebook, je crois que ça s'appelle Sauvons Lance Alarme, et aussi ils ont créé un site web et toute l'information est là-dessus. Donc ça, c'est vraiment la première chose à faire. Il y a une pétition que les gens peuvent signer. Ils peuvent nous contacter Sierra Club Québec. Donc il y a plusieurs façons de s'impliquer là-dedans. Mais merci beaucoup, Floris, pour cette entrevue et espérons que ce projet ne soit pas approuvé parce qu'il reste pas beaucoup d'espace vert à Montréal. Non. Il y a toujours des condos et des projets résidentiels comme celui-là qui sont approuvés, qui détruisent ces espaces verts qui sont vraiment essentiels à Montréal. Oui. Et si je peux ajouter, la ville de Montréal a une politique pour protéger les espaces verts qui sont encore là. L'objectif de la ville de Montréal est de protéger 10% du territoire. Et ça, c'est maintenant on est à 5,6%. Il reste encore un beaucoup d'espace qui doit être protégé pour atteindre ces objectifs. Et on constate vraiment que le projet de développement résidentiel à Pierrefonds-Ouest est un projet qui date, le processus a déjà été enclenché il y a quelques ans avant cette administration, donc dans l'époque Tremblay. Donc c'est vraiment un peu un héritage de l'ancienne administration dont on a l'impression que les politiciens, les maires ont un peu pris pour acquis, mais nous on veut vraiment qu'on peut régler. S'il y a des erreurs qui ont été faites dans le passé, on aimerait les corriger et re-regarder la situation et faire la bonne chose dans le fond.